بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. المراد من تثنية الأسماء المثنى، والمراد منه ما دل على اثنين بألف ونون في آخره في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر، نحو جاء الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. فالزيدان في قولك جاء الزيدان فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. والفرق بين المثنى والجمع في حالتي النصب والجر أن الياء التي في المثنى مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها، وفي الجمع مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد في كل من التثنية والجمع. Quant au ألف, elle est un signe de رفع dans le duel spécifiquement. Tathnia. Ce qui est visé par Tathnia, le duel, Al-Asma al-Muthanna, c'est-à-dire le duel 2. Et c'est ce qui indique le duel en rajoutant un alif et un nun à la fin, dans le cas de Al-Rafa, et en rajoutant un ya et un nun dans les deux cas de Al-Nasb et Al-Jar. Nahu, exemple, Ja'a al-Zaydani, wa ra'aytu al-Zaydaini, wa marartu bil-Zaydaini. Ainsi, al-Zaydani, dans la parole Ja'a al-Zaydani, fa'il, marfou', et les signes de son rafa', al-alif, en remplacement de la dhamma. La différence entre al-Muthanna, le duel, et al-Jama', le pluriel, dans les deux cas de al-Nasb et al-Jar, est que le ya' qui se trouve dans Al-Muthanna, dans le duel, ce qui est avant elle est maftouh avec une fatha, et ce qui est après elle est maksour avec une kasra. Et dans Al-Jama', le ya, ce qui est avant elle est maksour avec une kasra, et ce qui est après elle est maftouh avec une fatha. Et un nun est un remplacement du tanwin qui se trouve dans le nom singulier, l'ism al-mufrad, dans les deux cas de التثنية le duel et الجمع le pluriel. والحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu le créateur du monde. De التثنية le duel et الجمع le pluriel. والحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu le créateur du monde.